Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors, ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord incorporés au 1025 Première Rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales ou industrielles. Une équipe d'expérience qui a plus de 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confiez-le à des pros. Les électriciens du Nord au 418-347-5103 où on fait la vente d'équipements neufs ou usagés. Le personnel et la direction des électriciens du Nord invitent toute la population à participer en grand nombre aux activités de Milo en radio qui se déroulent en fin de semaine. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Bon, on va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord de tennis. Il y a un joueur de tennis qui est natif de Roberval que je vais commencer à suivre bientôt, qu'on va l'entendre parler, vous allez l'entendre parler régulièrement puisqu'il œuvre sur le circuit ITF Junior et il était au Mexique cette semaine pour un tournoi et il s'appelle Michel-Alexandre Fortin. Il a perdu en 3-7 de 6-2, 5-7 et 6-7 contre Alan Sinenegui. Et aujourd'hui, ben, Michel-Alexandre Fortin va jouer en double. Donc, on va suivre de près. Pour votre information, il se classe 8e au Québec et 17e au Canada. Donc, on va parler avec lui au cours des prochaines journées. Il est actuellement au Mexique. Mais dès qu'il sera de retour au pays, vous allez l'entendre à danradiosport.com. Question un petit peu de vous le présenter. Et puisqu'il est question de tennis, il y a un beau petit, une belle petite formule de tennis qui se passe actuellement au scientifique du secteur de Dolbeau. C'est que le club de tennis de Dolbeau présente un tournoi et c'est sur la formule de la Coupe Davis. Et hier, il y avait des matchs qui nous intéressaient. D'abord, le Team Canada contre Team Américain. Donc, Tim Saint-Pierre a battu Darry Thibault 13-5. Également, Michel et Harold Gagnon ont perdu 11-7 contre Johnny et Mathieu Boulian. Et Samuel Bilodeau a gagné 12-6 contre l'équipe de USA. Il y avait d'autres matchs qui nous intéressaient également. Team Espagne contre Team Grande-Bretagne. Marc Blais d'Espagne a battu Marc-André 12-8. Dave et Pierre ont battu Martin Simard ainsi que Claude Palamarque de 15-6. Frédéric Boilly a gagné contre Stéphane Trottier 12-5. Donc, en tout et partout, l'Espagne a gagné 30-28. Donc, on va vous donner des résultats prochainement parce que le tournoi se déroule tout au long de la semaine au Centre civique du secteur de Dolbeau. On va parler maintenant de balle. Il y avait un match qui nous intéressait dans la Ligue de balle de Roberval hier et c'était le match décisif et la RD Trophée a gagné 18-13 contre Saint-Hubert. Donc, la grande finale qui va débuter demain, c'est une série 3-5, va opposer RD Trophée au Zodiac. Également, on a parlé hier dans la section entrevue de danradiosport.com avec Jérôme Gravel. On sait qu'on a essayé de faire le tour un petit peu des équipes ou des joueurs natifs du Haut-du-Lac qui vont participer à des camps juniors. Donc, Jérôme Gravel est natif de Chambord et il va tenter de percer l'alignement du Titan d'Acadie Batters cette année et il se dit quand même très confiant. Oui, c'est sûr que j'ai eu, dans le fond, moi personnellement, je crois en mes chances. Puis, ce qui est d'alignement, c'est certain qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de place. Ça va être un cas très important. Ça va être des places vont être souvent disputées, mais je crois en mon potentiel. Puis, je vais faire ce qui est dans mon possible là, pour me tailler une place. OK. Et Jérôme Gravel a travaillé fort durant le camp d'entraînement. Oui, ben, c'est ça. J'ai participé aux mêmes séances que lui, là, les samedis matin. Puis, pour ce qui est d'entraînement en salle, là, ça. Par exemple, moi, j'avais une contrainte de poids à respecter. Il fallait pas que je dépasse un certain poids pour pouvoir garder ma vitesse, mon explosion. Donc, c'est ça. C'était du renforcement puis de l'explosion là, que j'ai dû travailler là, sur cette année. Maintenant, on va parler de soccer. Il y avait des matchs qui nous intéressaient. C'était la fin de la saison en fin de semaine. D'abord, au terrain 11 à Saint-Prime, dans la catégorie U16 féminin, victoire d'Allemagne 3-1 sur le FC de Roberval. Maintenant, du côté de Chicoutimi, en U12 féminin, Alma 2, le FC de Roberval 1. À Roberval, hier, dimanche également, dans la catégorie U12 masculin, victoire de Roberval 2-1 sur Dolbeau Mistassini. J'invite avec ta section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé beaucoup de l'Olympique avec Jean Gosselin, spécialiste en marketing sportif. On parle de la jeune Penny Olesiak qui a brillé aux Jeux Olympiques. On a également parlé à Nicolas Macrazonanis qui est spécialiste ou qui est l'ancien champion canadien, où on a parlé de la finale du 100 mètres qui a eu lieu dimanche, et la finale du 200 mètres qui aura lieu jeudi. Et également, vous pouvez écouter Pierre-Alexandre Bédard, notre rue que j'ai réalisé la semaine dernière, où il parle de son passage chez les professionnels. Sport Locale et Régionale, adamazosport.com. On s'en occupe.